L'actualité à Nancy et ailleurs. Mélanie Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous organisez ce dimanche 29 août une porte ouverte, ça se passe à Sommervillers, ça commence à 10h30. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir. On va proposer des ateliers créatifs, donc sur la FIMO, ouverts aux enfants à partir de 8 ans et aux adultes également. Il y aura aussi pas mal d'animations, notamment des démonstrations pour fabriquer sa propre lessive, du maquillage qui sera proposé aux enfants gratuitement, des jeux concours également gratuits pour gagner de jolis lots d'artisans qui seront présents ce jour-là. Plusieurs artisans qui seront présents, dont vous, hein, parce que c'est aussi votre cœur de métier. Hein. On peut peut-être expliquer un peu ce que vous faites. Votre nom d'artiste, c'est la petite fimoteuse. C'est ça exactement, parce que je travaille donc la pâte polymère, plus précisément la FIMO. Bah, je réalise pas mal de choses, ça va du porte-clés à la tirelire, au boule à thé, au mug, c'est assez vaste et varié. Voilà. Ça fait longtemps que vous travaillez cette pâte ? Ça fait 6 ans même, oui ça fait 6 ans à peu près. Et donc vous avez envie d'organiser ces portes ouvertes, mais pas toute seule, donc avec d'autres artisans qui travaillent aussi peut-être la pâte FIMO ou d'autres matières ? C'est ça. Alors non, ce sont des artisans qui travaillent des choses complètement différentes des miennes. Il y a aussi des ambassadrices de grandes marques. Là, on s'est réunis, donc on est des copines, on va dire. Et puis, on se serre les coudes parce que c'est un difficile. J'ai la chance d'avoir un jardin, donc j'ouvre mon jardin pour pouvoir réaliser ce genre de manifestation. Combien serez-vous pour accueillir le public ce dimanche ? On est un peu moins d'une dizaine. D'accord, et là il y aura plusieurs ateliers pour vous faire découvrir des créations déjà faites, bien sûr, mais aussi pour permettre aux visiteurs de s'essayer à ces pratiques ? Oui, c'est ça, donc des ateliers pour pouvoir réaliser eux-mêmes leurs bijoux ou leurs porte-clés pour les enfants, etc. Et bien sûr, du coup, il y aura des produits exposés qui seront à la vente. Alors, dites-nous un peu où est-ce que ça va se passer ? Donc ça se passe à Sommervillers, au 15 rue du Moulin. C'est un peu affiché dans tout le village, c'est un tout petit village à côté de Dombasle-sur-Meurthe. Et ça commence à 10h30. Pour le principe, est-ce qu'il faut s'inscrire ? Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre ? Alors, on est sur une entrée libre, pas de souci. Vu que c'est en extérieur, le masque n'est pas obligatoire, mais est recommandé, bien sûr. Il y aura du gel à disposition. Il y a juste pour les ateliers où l'inscription est préférable. D'accord, alors comment on peut faire ? Vous pouvez retrouver tout ça sur Facebook. J'ai créé un événement ou sur ma page La Petite Fimoteuse. D'accord, et bien des informations qu'on retrouvera aussi sur le site de la radio en compagnie de ce podcast. D'accord. Voilà, c'est une première pour vous, cette porte ouverte ? Oui, tout à fait, c'est une première. J'espère qu'elle aura le succès qu'on espère. Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. Et puis du soleil aussi ce dimanche. Oui, oui, on aimerait bien, oui. Merci beaucoup Mélanie. Mais merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.